sourire en coin, une parole insensée, la douceur de tes reins. C'est ce qu'il me manque, et ça m'effraie un peu. C'est ce qu'il me manque, et je m'en veux. Tu es parti trop loin, je suis resté trop près. Les regrets ne sont pas loin, le temps n'attend pas, tu le sais. Il n'y a que les regrets qui semblent parfaits. Mes remords sont satisfaits, mon karma va y passer. Tu es tombé dans mon cœur, et comme je te connais, tu vas vouloir y rester jusqu'à ce que je meure. C'est ce qu'il me manque, et ça m'effraie un peu. C'est ce qu'il me manque, et je m'en veux. Tu es parti trop loin, et je suis resté trop près. Les regrets ne sont pas loin, le temps n'attend pas, tu le sais. Quand on est mort, alors que reste-t-il? Seul un corps, bien trop fragile. Et lorsqu'on dort, que reste-t-il? Seul un vieux corps, bien inutile. Tu es parti trop loin, et moi je suis resté trop près. Les regrets ne sont pas loin, le temps n'attend pas, tu le sais.